Chapitre 3. Le journal. Samedi 19 juin. Rodolphe et moi sommes bien arrivés. Le pôle se révèle très différent de tout ce à quoi je m'attendais. Je crois que je n'ai jamais autant eu le vertige de ma vie. Madame l'ambassadrice nous a aimablement reçus dans son domaine où il règne une éternelle nuit d'été. Je suis ébloui par tant de merveilles. Les gens d'ici sont courtois, très prévenants, et leur pouvoir dépasse l'entendement. « Puis-je vous interrompre dans votre occupation, ma cousine ?» Ophélie sursauta, et ses lunettes avec elle. Plongée dans le carnet de voyage de l'aïeule Adélaïde, elle n'avait pas vu venir ce petit bout d'homme, chapeau melon à la main, un sourire étalé entre deux oreilles décollées. Le gringalet n'avait certainement pas beaucoup plus d'une quinzaine d'années. D'un ample moulinet du bras, il désigna une bande de joyeux drilles qui s'esclaffait devant une vieille machine à écrire, non loin de là. « Mes cousins et moi-même, nous nous demandions si vous nous accorderiez la permission de lire quelques-uns des bibelots de votre auguste musée. » Ophélie ne put réprimer un froncement de sourcils. Elle n'avait bien sûr pas la prétention de connaître personnellement chaque membre de la famille qui poussait le tourniquet à l'entrée du musée d'histoire primitive, mais elle était certaine de n'avoir jamais eu affaire à ces lascars. De quelle branche de l'arbre généalogique venait-il ? La corporation des chapeliers ? La caste des tailleurs ? La tribu des pâtissiers ? En tout cas, il sentait la farce à plein nez. « Je suis à vous tout de suite, » dit-elle en reposant sa tasse de café. Ses soupçons se précisèrent quand elle s'en fut à la rencontre de la troupe de M. Chapeau-Melon. Il y avait beaucoup trop de sourires dans l'air. « Voici la pièce unique du musée !» roucoula un compère avec un regard éloquent pour Ophélie. L'ironie manquait, selon elle, d'un peu de subtilité. Elle savait qu'elle n'était pas attrayante avec sa natte ratée qui recrachait des ailes sombres sur ses joues, son écharpe à la traîne, sa vieille robe de brocart, ses bottines dépareillées et cette incurable gaucherie qui lui collait à la peau. Elle n'avait pas lavé ses cheveux depuis une semaine et s'était habillée avec les premiers vêtements qui lui étaient tombés sous la main, sans se soucier de leur assortiment. Ce soir, pour la première fois, Ophélie rencontrerait son fiancé. Il était venu du pôle spécialement pour se présenter à la famille. Il resterait quelques semaines, puis il emporterait Ophélie dans le Grand Nord. Avec un peu de chance, il la trouverait tellement repoussante qu'il renoncerait sur le champ à leur union. « Ne touchez pas à cela !» dit-elle à l'adresse d'un grand dadais qui approchait ses doigts d'un galvanomètre balistique. « Qu'est-ce que vous marmottez, cousine ? » s'esclaffa-t-il. « Parlez plus fort ! Je ne vous ai pas entendu !» « Ne touchez pas à ce galvanomètre !» dit-elle en poussant sur sa voix. « Je vais vous proposer des échantillons réservés à la lecture. » Le grand dadais haussa les épaules. « Oh ! Je voulais simplement voir comment ce bazar fonctionne. De toute façon, je ne sais pas lire. » Le contraire eût étonné Ophélie. La lecture d'objets n'était pas une faculté répandue parmi les animistes. Elle se manifestait parfois à la puberté sous forme d'intuitions imprécises au bout des doigts, mais elle périclitait en quelques mois si elle n'était pas rapidement prise en charge par un éducateur. Son grand-oncle avait joué ce rôle auprès d'Ophélie. Après tout, leur branche travaillait dans la préservation du patrimoine familial, remonter le passé des objets au moindre contact. Rares étaient les animistes qui souhaitaient s'encombrer d'un tel fardeau, a fortiori, si ce n'était pas leur métier. Ophélie jeta un regard bref à Chapeau-Melon qui touchait les redingotes de ses compagnons en ricanant. Lui, il savait lire, probablement pas pour très longtemps encore. Il voulait jouer avec ses mains, tant qu'il le pouvait. « Le problème n'est pas là, cousin, » observa calmement Ophélie en revenant au grand dadais. « Si vous désirez manipuler une pièce de la collection, vous devez porter des gants comme les miens. » Depuis le dernier décret familial sur la conservation du patrimoine, il était interdit d'aborder les archives les mains nues sans autorisation spéciale. Entrer en contact avec un objet, c'était le contaminer de son propre état d'esprit, ajouter une nouvelle strate à son histoire. Trop de personnes avaient souillé de leurs émotions et de leurs pensées des exemplaires rares. Ophélie se dirigea vers son tiroir à clé. Elle l'ouvrit trop grand, Le tiroir lui resta dans la main et tout son contenu se répandit sur le carrelage dans une joyeuse cacophonie. Ophélie entendit ricaner dans son dos tandis qu'elle se penchait pour ramasser les clés. Chapeau Melon vint l'aider avec son sourire narquois. « Il ne faut pas se moquer de notre dévouée cousine. Elle va mettre à ma disposition un peu de lecture pour me cultiver. » Son sourire se fit carnassier. « Je veux quelque chose de corsé, » dit-il à Ophélie. « Vous n'auriez pas une arme, un truc de guerre, vous savez ?» Ophélie remit le tiroir à sa place et récupéra la clé dont elle avait besoin. Les guerres de l'ancien monde faisaient fantasmer la jeunesse qui ne connaissait que les petites querelles de famille. Ses blancs becs ne cherchaient qu'à s'amuser. Les moqueries sur sa petite personne l'indifféraient, mais elle ne tolérait pas qu'on montrât si peu de considération pour son musée, surtout aujourd'hui. Elle était déterminée à rester professionnelle jusqu'au bout, toutefois. « Veuillez me suivre, » dit-elle, la clé à la main. « Soumettez-moi vos échantillons, » chantonna Chapeau Melon avec une caricature de révérence. Elle les conduisit jusqu'à la rotonde réservée aux machines volantes du premier monde, la section la plus populaire de sa collection. Ornithoptères, aéroplanes amphibies, oiseaux mécaniques, hélicoptères à vapeur, quadriplans et hydravions étaient suspendus à des câbles comme de grandes libellules. La troupe pouffa de plus belle à la vue de ces antiquités, battant des bras comme des oies. Chapeau Melon, qui mastiquait une pâte à mâcher depuis un moment, la colla sur la coque d'un planeur. Ophélie le regarda faire sans ciller. Ça, c'était le geste de trop. Ils voulaient épater la galerie. Eh bien, ils allaient rire. Elle leur fit monter l'escalier d'un entresol, puis ils longèrent des étagères vitrées. Ophélie glissa sa clé dans la serrure d'un rayonnage, fit coulisser la vitre et saisit dans un mouchoir une minuscule bille de plomb qu'elle tendit à Chapeau Melon. « Une excellente entrée en matière pour se cultiver sur les guerres de l'Ancien Monde, » assura-t-elle d'une voix plate. Il éclata de rire en s'emparant de la bille, la main nue. « Que me présentez-vous là? Une crotte d'automate ?» Son sourire s'évanouit au fur et à mesure qu'il remontait le passé de l'objet du bout des doigts. Il devint pâle et immobile, comme si le temps s'était cristallisé autour de lui. En voyant sa tête, ses compagnons, hilars, donnèrent d'abord du coude contre ses côtes, puis ils finirent par s'inquiéter de son manque de réactivité. « Vous lui avez refilé une saleté !» paniqua l'un d'entre eux. « C'est une pièce très appréciée des historiens !» démentit Ophélie d'un ton professionnel. De blême, Chapeau Melon devint gris. « Ce n'est pas ce que je demandais !» articula-t-il difficilement. Avec son mouchoir, Ophélie récupéra le plomb et le rangea sur son coussinet rouge. « Vous vouliez une arme, n'est-ce pas ? Je vous ai remis le projectile d'une cartouche qui a, en son temps, perforé le ventre d'un troupier. C'était cela, la guerre !» conclut-elle en remontant ses lunettes sur son nez. « Des hommes qui tuaient, et des hommes qui étaient tués. » Comme Chapeau Melon se tenait le ventre d'un air nauséeux, elle se radoucit quelque peu. La leçon était rude, elle en était consciente. Ce garçon était venu avec des épopées héroïques en tête et lire une arme, c'était comme regarder sa propre mort en face. « Ça va passer, » lui dit-elle. « Je vous conseille d'aller respirer l'air du dehors. » La troupe s'en fut, non sans lui décocher quelques coups d'œil mauvais par-dessus l'épaule. L'un d'eux la traita de « malnipée » et un autre de « sac à patate binoclard ». Ophélie espérait que son fiancé se ferait les mêmes réflexions tout à l'heure. Armée d'une spatule, elle s'attaqua à la pâte à mâcher que Chapeau Melon avait collée sur le planeur. « Je te devais bien une petite revanche », chuchota-t-elle en caressant affectueusement le flanc de l'appareil comme elle l'aurait fait d'un vieux cheval. « Ma chérie, je t'ai cherché partout !» Ophélie se retourna, jupe relevée, son ombrelle pincée sous le bras, une magnifique jeune femme était en train de trotter dans sa direction en faisant claquer ses bottines blanches sur le dallage. C'était Agathe, sa sœur aînée, aussi rousse, aussi coquette, aussi éblouissante que sa cadette était brune, négligée et renfermée, le jour et la nuit. « Mais qu'est-ce que tu fais encore là ?» Ophélie essaya de se débarrasser de la pâte de chapeau melon, mais elle collait à ses gants. « Je te rappelle que je travaille au musée jusqu'à 6 heures. » Agathe serra théâtralement ses mains dans les siennes. Elle grimaça aussitôt. Elle venait d'écraser sur son joli gant la gomme à mâcher. « Plus maintenant, sotte !» s'agaça-t-elle en secouant sa main. « Maman a dit que tu devais songer uniquement à tes préparatifs. Oh, petite sœur !» sanglota-t-elle en se jetant contre elle. « Tu dois être tellement excitée !» Parvint seulement à expirer Ophélie. Agathe se détacha aussitôt d'elle pour la jauger de haut en bas. « Nom d'une bouillotte ! Tu t'es regardée dans une glace ? Tu ne peux décemment pas te montrer à ton promis dans cet état, que penserait-il de nous ?»« Ça, c'est le cadet de mes soucis !» déclara Ophélie en se dirigeant vers son comptoir. « Eh bien, tel n'est pas le cas de ta parentèle, petit égoïste ! Nous allons remédier à cela de ce pas !» Avec un soupir, Ophélie sortit son vieux cabas et y rangea ses effets personnels. Si sa sœur se sentait investie d'une mission sacrée, elle ne la laisserait pas travailler en paix. Il ne lui restait plus qu'à fermer le musée. Pendant qu'Ophélie prenait tout son temps pour rassembler ses affaires, une pierre au fond du ventre, Agathe trépignait d'impatience. Elle s'assit sur le comptoir, ses bottines blanches batifolant sous les pantalons de dentelle. « J'ai des potins pour toi, et des beaux. Ton mystérieux prétendant a enfin un nom. » Pour la peine, Ophélie sortit la tête de son cabas. Quelques heures avant leur présentation officielle, il était temps. Sa future belle-famille avait dû faire des recommandations spéciales pour bénéficier de la plus totale discrétion. Les doyennes s'étaient montrées muettes comme des tombes durant tout l'automne, ne divulguant aucune information au sujet du fiancé, à un point que c'en était devenu ridicule. La mère d'Ophélie, très vexée de ne pas être mise dans la confidence, ne décolérait pas depuis 2 mois. « Alors ? » demanda-t-elle comme Agathe savourait son petit effet. « Monsieur Thorne !» Ophélie frissonna sous les replis de son écharpe. Thorne. Elle était déjà allergique à ce nom. Il sonnait dur sous la langue, abrupt, presque agressif. Un nom de chasseur. Je sais aussi que ce cher monsieur ne sera pas ton aîné de beaucoup, sœurette. Ton époux n'aura rien d'un vieux sénile incapable d'honorer sa femme. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin, enchaîna Agathe sans reprendre son souffle. Tu n'échoueras pas dans un petit trou perdu, crois-moi. Les doyennes ne se sont pas moquées de nous. Monsieur Thorne aurait une tante aussi belle qu'influente qui lui assure une excellente situation à la cour du pôle. Tu vas mener une existence de princesse. » Les yeux brillants, Agathe triomphait. Ophélie, elle, était catastrophée. Thorne, un homme de cour. Elle aurait encore préféré un chasseur. Plus elle en apprenait sur son futur époux, plus il lui inspirait l'envie de prendre ses jambes à son cou. Et quelles sont tes sources ? Agathe redressa sa coiffe d'où s'évadaient de frétillantes bouclettes rousses. Sa bouche en cerise plissait un sourire satisfait. Du solide. Mon beau-frère Gérard tient ses renseignements de son arrière-grand-mère, qui les tient elle-même d'une proche cousine, qui est la sœur jumelle en personne d'une doyenne. Avec des manières de gamine, elle claqua dans ses mains et bondit sur ses bottillons. « Tu t'es fait passer une sacrée bague au doigt, ma chérie. Qu'un homme de cette position et de ce rang te réclame en mariage, c'est inespéré. Allez, presse-toi de ranger ton capharnaüm. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant l'arrivée de Monsieur Thorne. Il faut te rendre convenable. » « Par devant, » murmura Ophélie en fermant les agrafes de son cabas. « Je dois accomplir une dernière formalité. » Sa sœur s'éloigna en quelques petits pas gracieux. « Je vais nous réserver un fiacre. » Ophélie demeura longtemps immobile derrière son comptoir. Le silence brutal qui était retombé sur les lieux après le départ d'Agathe lui faisait presque mal aux oreilles. Elle rouvrit au hasard le journal de son aïeul et parcourut des yeux l'écriture fine et nerveuse, vieille de presque un siècle, qu'elle connaissait désormais par cœur. Mardi 6 juillet. Je me vois obligée de modérer quelque peu mon enthousiasme. Madame l'ambassadrice est partie en voyage, nous laissant aux mains de ses innombrables invités. J'ai l'impression que nous avons été complètement oubliés. Nous passons nos journées à jouer aux cartes et à nous promener dans les jardins. Mon frère s'accommode mieux que moi de cette vie oisive. Il s'est déjà entiché d'une duchesse. Je vais devoir le rappeler à l'ordre. Nous sommes ici pour des raisons purement professionnelles. Ophélie était déboussolée. Ce journal et les potins d'Agathe ne collaient pas du tout avec les croquis d'Augustus. Le pôle lui apparaissait maintenant comme un endroit excessivement raffiné. Thorn était-il un joueur de cartes? C'était un homme de cour. Il devait sûrement jouer aux cartes. Il n'avait probablement que cela à faire de ses journées. Ophélie rangea le petit carnet de voyage dans une housse de feutre et le fourra au fond de son cabas. Derrière le comptoir d'accueil, elle ouvrit l'abattant d'une écritoire pour en sortir le registre d'inventaire. Il était arrivé plusieurs fois à Ophélie d'oublier les clés du musée dans une serrure, de perdre des documents administratifs importants et même de casser des pièces uniques. Mais s'il y avait un devoir qu'elle n'avait jamais négligé, c'était la tenue de ce registre. Ophélie était une excellente liseuse, l'une des meilleures de sa génération. Elle pouvait déchiffrer le vécu des machines, strate après strate, siècle après siècle, au fil des mains qui les avaient tâtées, utilisées, affectionnées, endommagées, rafistolées. Cette aptitude lui avait permis d'enrichir le descriptif de chaque pièce de la collection avec un sens du détail jusqu'alors inégalé. Là où ses prédécesseurs se cantonnaient à décortiquer le passé d'un ancien propriétaire, de deux à la rigueur, Ophélie remontait à la naissance de l'objet entre les doigts de son fabricant. Ce registre d'inventaire, c'était un peu son roman personnel. L'usage voulait qu'elle le remît en main propre à son successeur, une procédure qu'elle n'aurait jamais pensé appliquer si tôt dans sa vie, mais personne n'avait encore répondu à l'appel de candidature. Ophélie glissa donc sous la reliure une note à l'attention de celui ou celle qui prendrait la relève du musée. Elle rangea le registre dans l'écritoire et verrouilla l'abattant d'un tour de clé. Avec des mouvements ralentis, elle prit ensuite appui sur son comptoir à deux mains. Elle s'obligea à respirer profondément, à accepter l'inéluctable. Cette fois-ci, c'était vraiment fini. Demain, elle n'ouvrirait pas son musée comme chaque matin. Demain, elle dépendrait à jamais d'un homme dont elle finirait par porter le nom. Madame Thorn. Autant s'y faire dès à présent. Ophélie empoigna son cabas. Elle contempla son musée pour la dernière fois. Le soleil traversait la verrière de la rotonde dans une cascade de lumière, auréolant d'or les antiquités et projetant sur le carrelage leur ombre désarticulée. Jamais elle n'avait trouvé cet endroit aussi beau. Ophélie déposa les clés dans la loge du concierge. Elle n'était pas passée sous la marquise du musée dont la vitre était noyée sous un manteau de feuilles mortes que sa sœur l'apostropha de la portière d'un fiacre. « Monte, nous allons rue des Orfèvres !» Le cocher fit claquer son fouet, bien qu'aucun cheval ne fût attelé à sa voiture. Les roues s'ébranlèrent et le véhicule dégringola le long du fleuve, guidé par la seule volonté de son maître, du haut de son perchoir. Par la vitre arrière, Ophélie observa le spectacle de la rue avec une acuité nouvelle. Cette vallée où elle était née semblait se dérober à elle au fur et à mesure que le fiacre la traversait. Ses façades à colombages, ses places de marché, ses belles manufactures étaient déjà toutes en train de lui devenir étrangères. La ville entière lui disait que ce n'était plus chez elle ici. Dans la lumière rousse de cette fin d'automne, les gens menaient leur existence de tous les jours. Une nourrice dirigeait sa poussette en rougissant sous les sifflements appréciateurs des ouvriers, juchés en haut des échafaudages. De jeunes écoliers croquaient leurs marrons chauds sur le chemin de la maison. Un coursier cavalait le long du trottoir avec un paquet sous le bras. Tous ces hommes, toutes ces femmes, étaient la famille d'Ophélie, et elle n'en connaissait pas la moitié. Le souffle brûlant d'un tramway doubla leur équipage dans un bruit de sonnette. Quand il disparut, Ophélie contempla la montagne sillonnée de lacets qui surplombait leur vallée. C'étaient les premières neiges, là-haut. Le sommet avait disparu sous une chape de grisaille. On ne pouvait même plus distinguer l'observatoire d'Artémis. Écrasé sous cette masse froide de roches et de nuages, écrasé sous la loi de toute une famille, Ophélie ne s'était jamais sentie aussi insignifiante. Agathe claqua des doigts sous son nez. « Bon, la punaise, parlons vite, parlons bien. Tout ton trousseau est à revoir. Il te faut des toilettes neuves, des souliers, des chapeaux, de la lingerie, beaucoup de lingerie. » « J'aime mes robes, » trancha Ophélie. « Tais-toi donc. Tu t'habilles comme notre grand-mère, nom d'un bigoudi. Ne me dis pas que tu portes encore cette paire de vieilles mochetées. » se révulsa Agathe en prenant les gants de sa sœur dans les siens. « Maman t'en a commandé une pleine cargaison chez Julien. » « Ils ne font pas de gants de liseur au pôle. Je dois me montrer qu'en homme. » Agathe était insensible à cette sorte d'argument. La coquetterie et l'élégance justifiaient tous les gaspillages du monde. « Secoue-toi, que diantre ! Tu vas me redresser ce dos, me rentrer ce ventre, mettre un peu en valeur ce corsage, poudrer ce nez, farder ses joues, et par pitié, change-moi la couleur de tes lunettes. Ce gris est d'un sinistre. » « Quant à tes cheveux, » soupira Agathe en soulevant la natte brune du bout des ongles, « ce serait moi, je te raserais tout cela pour repartir sur du neuf. Malheureusement, nous n'en avons plus le temps. Descends vite, nous y sommes. » Ophélie traîna des semelles de plomb. À chaque jupon, à chaque corset, à chaque collier qu'on lui présenta, elle répondit par un refus de la tête. La couturière, dont les longs doigts animistes modelaient les étoffes sans fil ni ciseaux, en pleura de rage. Au bout de deux crises de nerfs et une dizaine de boutiquiers, Agathe n'avait réussi à convaincre sa petite sœur que de remplacer ses bottines dépareillées. Au salon de coiffure, Ophélie ne mit guère plus de cœur à l'ouvrage. Elle ne voulait entendre parler ni de poudre, ni d'épilation, ni de fer à friser, ni de ruban à la dernière mode. « J'en ai de la patience avec toi !» fulmina Agathe en relevant tant bien que mal ses lourdes mèches de façon à dégager sa nuque. « Tu crois que j'ignore tout ce que tu ressens ? J'avais 17 ans quand on m'a fiancée à Charles, et maman 2 de moins quand elle a épousé papa. Vois ce que nous sommes devenus. Des épouses rayonnantes, des mères comblées, des femmes accomplies. Tu as été surprotégée par notre grand-oncle. Il ne t'a pas rendu service. » Avec un regard flou, Ophélie contempla son visage dans la glace de la coiffeuse en face d'elle, tandis que sa sœur se débattait avec ses nœuds. Sans ses mèches rebelles et sans ses lunettes rangées sur le plateau à peigne, elle se sentait nue. Dans le miroir, elle vit la forme rousse d'Agathe coller son menton sur le sommet de sa tête. « Ophélie, » lui murmura-t-elle doucement, « tu pourrais plaire avec un peu de bonne volonté. » « À quoi bon ? Plaire à qui ?»« Mais à Monsieur Thorne, bougresse !» s'agaça sa sœur en lui administrant une tape sur la nuque. « Le charme est la meilleure arme offerte aux femmes. Il faut en servir sans scrupule. Il suffit d'un rien, une œillade inspirée, un sourire bien appuyé pour mettre un homme à ses pieds. Regarde, Charles, j'en fais ce que je veux. » Ophélie planta ses yeux dans ceux de son reflet, des prunelles à l'arôme de chocolat. Sans lunettes, elle se voyait mal, mais elle devina l'ovale mélancolique de son visage, la pâleur de ses joues, son cou blanc qui palpitait sous le col, l'ombre d'un nez sans caractère et ses lèvres trop fines qui n'aimaient pas parler. Elle essaya un timide sourire, mais il sonnait tellement faux qu'elle le ravala net. Avait-elle du charme ? À quoi le reconnaissait-on ? Au regard d'un homme ? Serait-ce le regard que Thorne poserait sur elle ce soir ? L'idée lui parut tellement grotesque qu'elle en aurait ri de bon cœur si sa situation n'avait été morose à en pleurer. « As-tu fini de me torturer ? » demanda-t-elle à sa sœur qui tiraillait sur ses cheveux sans ménagement. « Presque. » Agathe se tourna vers la gérante du salon pour réclamer des épingles. Cet instant d'inattention était tout ce dont Ophélie avait besoin. Elle remit précipitamment ses lunettes, empoigna son cabas et plongea tête baissée dans le miroir de la coiffeuse, à peine assez large pour elle. Son buste émergea dans la glace murale de sa chambre, quelques quartiers plus loin, mais elle ne put aller plus avant. De l'autre côté du miroir, Agathe l'avait agrippée par les chevilles pour la ramener rue des Orfèvres. Ophélie lâcha son cabas et prit appui sur le mur recouvert de papier peint, luttant de toutes ses forces contre la poigne de sa sœur. Sans crier gare, elle bascula pour de bon dans la chambre, renversant au passage un tabouret et le pot de fleurs qui se trouvait dessus. Un peu sonnée, elle contempla bêtement le pied déchaussé qui pointait sous sa robe. Une bottine de sa nouvelle paire était restée avec Agathe, rue des Orfèvres. Sa sœur ne savait pas franchir les miroirs. Voilà qui lui laissait un répit. Ophélie récupéra son cabas sur le tapis, claudiqua jusqu'à un massif coffre de bois au pied des lits superposés et s'y assit. Elle remonta ses lunettes sur son nez et observa la petite pièce encombrée de malles et de boîtes à chapeaux. Ce désordre-là n'était pas son désordre habituel. Cette chambre qu'il avait vue grandir sentait déjà le départ. Elle sortit avec précaution le journal de l'aïeule Adélaïde et en feuilleta encore les pages, pensive. Dimanche 18 juillet. Toujours aucune nouvelle de Madame l'ambassadrice. Les femmes d'ici sont charmantes, et je crois qu'aucune de mes cousines d'Anima ne les égale en grâce et en beauté, mais je me sens parfois mal à l'aise. J'ai l'impression qu'elles n'arrêtent pas de faire des insinuations sur ma tenue, mes manières et ma façon de parler. Ou alors je me monte la tête. « Pourquoi tu rentres si tôt ?» Ophélie leva le nez vers le lit du dessus. Elle n'avait pas remarqué les deux souliers vernis qui dépassaient du matelas. Cette paire de jambes maigrelettes appartenait à Hector, le petit frère avec qui elle partageait sa chambre. Elle referma le carnet de voyage. « Je fuis, Agathe. »« Pourquoi ?»« De petites affaires féminines. » « Monsieur dit pourquoi veut des détails ?»« En aucune façon. » Ophélie eut un sourire en coin. Son frère l'attendrissait. Les souliers vernis disparurent du lit, là-haut. Ils furent bientôt remplacés par des lèvres barbouillées de marmelade, un nez en trompette, une coupe au bol et deux yeux placides. Hector avait le même regard qu'Ophélie, les lunettes en moins. Imperturbable en toutes circonstances, il tenait une tartine dont la confiture d'abricot ruisselait sur ses doigts. « En avait-il pas de goûter dans la chambre ?» rappela Ophélie. Hector haussa les épaules et désigna de sa tartine le carnet de voyage sur sa robe. « Pourquoi tu ressasses encore ce cahier ? Tu le connais par cœur ?» Hector était ainsi. Il posait toujours des questions, et toutes ces questions commençaient par « Pourquoi ?»« Pour me rassurer, je suppose ?» murmura Ophélie. De fait, Adélaïde lui était devenue familière au fil des semaines, presque intime. Et pourtant, Ophélie se sentait déçue chaque fois qu'elle échouait sur la dernière page. Lundi 2 août. Je suis tellement soulagée. Madame l'ambassadrice est revenue de voyage. Rodolphe a enfin signé son contrat avec un notaire du seigneur Farouk. Je n'ai pas le droit d'en écrire davantage. Secret professionnel oblige. Mais nous rencontrerons leur esprit de famille demain. Si mon frère fait une prestation convaincante, nous allons devenir riches. Le journal s'achevait sur ces mots. Adélaïde n'avait jugé nécessaire ni d'entrer dans les détails ni de retranscrire la suite des événements. Quel contrat son frère et elle avaient-ils signé avec l'esprit de famille Farouk ? Était-il revenu riche du pôle ? Vraisemblablement pas. Cela se serait su. « Pourquoi tu ne lis pas avec les mains ?» demanda encore Hector, qui broyait sa tartine entre ses dents en la mastiquant avec flegme. « Si je le pouvais, c'est ce que je ferais, moi. »« Je n'en ai pas le droit. Et tu le sais. » En vérité, Ophélie avait été tentée d'ôter ses gants pour percer les petits secrets de son ancêtre, mais elle était trop professionnelle pour contaminer ce document de sa propre angoisse. Le grand-oncle aurait été très déçu si elle avait cédé à cette impulsion. Sous ses pieds, une voix suraiguë traversa le plancher depuis l'étage inférieur. « Cette chambre d'invité, c'est une véritable catastrophe. Elle devrait être digne d'un homme de cour. Il aurait fallu beaucoup plus de pompe, de décorum. Quel piètre opinion, Monsieur Thorn, va-t-il se faire de nous? Nous nous rattraperons sur le repas de ce soir, Roselyne. File chez le restaurateur pour prendre des nouvelles de mes poulardes. Je te confie la direction des opérations. Et vous, mon pauvre ami, donnez un peu l'exemple. On ne marie pas sa fille tous les jours. Maman, commenta placidement Hector. Maman, confirma Ophélie sur le même ton. Ça ne lui donnait pas du tout envie de descendre, alors qu'elle tirait sur la tenture fleurie de la fenêtre, le soleil couchant lui dora les joues, le nez et les lunettes. À travers un couloir de nuages empourprés de crépuscule, la lune se détachait déjà sur la toile mauve du ciel comme une assiette en porcelaine. Ophélie contempla longuement le versant de la vallée, blondi par l'automne, qui dominait leur demeure, puis le passage des fiacres dans la rue, puis ses petites sœurs qui jouaient au cerceau dans la cour de la maison, au milieu des feuilles mortes. Elle chantait des comptines, se lançait des défis, se tirait par la natte, passant du rire aux larmes et des larmes au rire avec une déconcertante facilité. Elles étaient des échos d'Agathe au même âge, avec leurs sourires enjôleurs, leurs bruyants babillages et leurs beaux cheveux blonds roux qui brillaient dans la lumière crépusculaire. Une bouffée de nostalgie envahit brutalement Ophélie. Ses yeux s'agrandirent, ses lèvres s'amincirent, son masque impassible craquelait. Elle aurait voulu galoper derrière ses sœurs, retrousser ses jupes sans pudeur et jeter des cailloux dans le jardin de la tante Roselyne. Comme cette époque lui semblait loin, ce soir. Pourquoi tu dois partir? Ça va être la barbe de me retrouver seule avec toutes ces pestes. Ophélie se tourna vers Hector. Il n'avait pas bougé du lit superposé, occupé à se pourlécher les doigts, mais il avait suivi son regard à travers la fenêtre. Sous ses dehors flegmatiques, le ton était accusateur. Ce n'est pas ma faute, tu sais. Pourquoi tu n'as pas voulu te marier avec nos cousins alors? La question lui fit l'effet d'une claque. C'est vrai, Hector avait raison. Elle n'en serait pas là si elle avait épousé le premier venu. Mais les regrets ne servent à rien, murmura-t-elle. Gare ! Avertit Hector. Il s'essuya la bouche d'un coup de manche et s'aplatit sur le lit. Un violent appel d'air souffla dans les robes d'Ophélie. Chignon défait et front luisant, sa mère venait de faire irruption dans la chambre comme une tornade. Le cousin Bertrand suivait derrière. « Je vais loger les petites ici, puisqu'elles ont cédé leur chambre aux fiancées de leur sœur. Ces mâles prennent toute la place, je ne m'en sors pas. Descends-moi celle-ci dans la remise et fais bien attention, c'est du fragile. » La mère s'interrompit bouche bée quand elle aperçut la silhouette d'Ophélie qui se découpait dans le coucher de soleil. « Par les ancêtres, je te croyais avec Agathe ?» Elle pinça ses lèvres d'indignation en décortiquant des yeux sa toilette de vieille dame et son écharpe ramasse-poussière. La métamorphose attendue n'avait pas eu lieu. La mère porta la main à sa large poitrine. « Tu veux m'achever? Après tout le mal que je me donne pour toi, de quoi me punis-tu, ma fille ?» Ophélie sourcilla derrière ses lunettes. Elle s'était toujours affublée avec ce mauvais goût. Pourquoi devrait-elle changer maintenant ses habitudes vestimentaires? « Sais-tu seulement l'heure qu'il est ?» s'affola la mère, ses ongles vernis plaqués sur sa bouche. « Nous devons monter à l'aérogarde en moins d'une heure. Où est passée ta sœur? Et moi qui suis affreux, sa perlipopette, jamais nous n'y serons à temps. » Elle sortit un poudrier de son corsage, se tamponna un nuage rose sur le nez, rembobina son chignon blond roux d'une main experte et pointa son ongle rouge vers Ophélie. « Je te veux présentable avant le prochain coup de l'horloge. C'est valable pour toi aussi, grand dégoûtant !» gronda-t-elle à l'adresse du lit du dessus. « Tu sens la confiture séchée à plein nez, Hector !» La mère se cogna au cousin Bertrand qui était demeuré là, les bras ballants. « Et cette malle, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?» Dans un tourbillon de robes, l'orage s'enfuit de la chambre comme il était venu.